Leçon 8A. L'épicier est toujours là. C'est à qui maintenant ? C'est à moi. Je voudrais des fraises. Combien ? 1 kilo. C'est pour une tarte. Alors, 1 kilo de fraises pour mademoiselle. Et avec ça ? Merci, c'est tout. Ça fait 32 francs. Julie paie avec un billet de 50 francs et M. Saïd rend 18 francs à Julie. C'est le dimanche de Pâques et peu de commerçants travaillent. Dans l'épicerie de M. Saïd, 65 rue Daguerre, il y a beaucoup de clients. Ahmed aide son père. Tout à coup, le téléphone sonne. Allô ? Ah, c'est vous, Monsieur Roche. Bonjour. Attendez. Oui. Des fruits, des bananes ou des pommes ? 1 kilo. D'accord. 2 kilos de pommes de terre. 2 artichauts. Un paquet de spaghettis, 3 bouteilles d'eau et 1 boîte de ronrons pour le chat. D'accord, pas de problème. Au revoir. Ahmed montre la liste à son père. C'est bête, il n'y a pas d'artichaut aujourd'hui et il n'y a plus de bananes. Tu peux prendre des pommes. Bon, et tu portes tout au 96. Pardon, madame. Monsieur Roche est malade. Il ne peut pas faire ses courses. Alors, madame, vous désirez ? Eh oui, monsieur Saïd. Vous voulez toujours rendre service. Oui, madame, mais pour combien de temps encore ? Le propriétaire veut augmenter le loyer. Nous ne pouvons pas payer ça. Mais vous avez beaucoup de clients. Pas assez. L'épicerie, c'est pour le soir ou les jours de fête, quand les gens ne peuvent pas aller au supermarché.